elle se divise en deux catégories, l'intercession qui est affirmée et l'intercession qui est niée. Et l'intercession qui est niée, c'est qu'est-ce qui est mentionné du fait que celui qui cherche d'autre que Allah l'intercession, dans ce que seulement Allah est capable de faire, hein, dans ce que personne ne peut faire excepté Allah, il cherche de autre qu'Allah l'intercession dans ce que personne ne peut faire excepté Allah, ça c'est nié dans la révélation. On voit que Allah il nie ce genre d'intercession là, hein. Dans le verset 254, ça c'est un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons donné comme subsistance avant que vienne un jour dans lequel il n'y aura ni commerce et il n'y aura ni amitié ni intercession. Et pour les mécréants, il n'y aura pas. Les mécréants, ce sont eux les injustes. Et les mécréants, ce sont eux les injustes. Et l'intercession qui est affirmée, c'est celle qui est cherchée uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui dans lequel l'intercesseur est honoré par l'intercession, et celui pour qui on demande l'intercession a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala dans ses paroles, dans ses actions, après avoir reçu la permission qu'on intercède, pour intercéder, ou pour qu'on intercède pour lui. Et c'est exprimé dans le verset 255 comme exemple, parce qu'il y a beaucoup d'autres versets, mais celui-là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Donc personne ne peut intercéder auprès d'Allah excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la deuxième règle, le deuxième principe au sujet de l'intercession et al-qurba, comme on a mentionné, le rapprochement ou la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Sheikh hafizahullah ta'ala, il dit: وهذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم أنهم عبدوا آلهة مع الله جل وعلا من دونه. وماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة مستقلة أم أنها وسائط؟ هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوساطة وعلى جهة القربة أو على جهة الشفاعة، يعني يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، أو يقولون إنها تشفع لهم عند الله جل وعلا، يعني أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة، وهذه الوساطة من جهة القربة ومن جهة الزلفى، والجهة الثانية من جهة الشفاعة كما ذكر رحمه الله. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني الآلهة، ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم، وهذا حصر يسمى عند علماء البلاغة حصر قلب إضافي. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب. فهذا يعني فهم حصروا ما أرادوا في القربة من الله سبحانه وتعالى، أي أنهم أرادوا ما عند الله جل وعلا. Donc le Cheikh il dit que cette deuxième règle, c'est pour expliquer l'état des mushrikins dans leurs adorations, et qu'ils adoraient des divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala et en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font cela, mais est-ce qu'ils font cela, c'était quoi leur intention dans cette adoration-là? C'était quoi leur objectif dans cette adoration-là? Est-ce qu'ils les adoraient en tant que divinités indépendantes, ou bien ils les adoraient en tant qu'intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala? Ils disent, c'est cette règle en fait qui nous aide à comprendre que ces mouchriquins, ils adoraient autre que Allah parce qu'ils les considéraient comme des intermédiaires ou des intercesseurs. Et ils les adoraient également dans le sens qu'ils croyaient que ces idoles ou ces choses qu'ils adoraient, ces divinités, pouvaient les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien ils les adoraient en croyant qu'ils pouvaient intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils disaient que leurs idoles, hein, leurs fausses divinités, les rapprochaient d'Allah. Ou élevaient leurs questions ou leurs demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Ou bien ils disaient qu'elles intercédaient pour eux auprès d'Allah azza wa jal. Et il dit, c'est-à-dire que les mouchriquins parmi les arabes, ils ne demandaient pas directement, c'est-à-dire ils ne demandaient pas à leurs idoles indépendamment d'Allah, en voulant dire qu'ils ne les considéraient pas comme des êtres comme si, qui pouvaient faire quoi que ce soit pour eux indépendamment d'Allah. Dans le sens qu'ils les prenaient plutôt comme des intermédiaires et des intercesseurs. Et ils les adoraient dans le but de se rapprocher un peu plus d'Allah. Donc ils les utilisaient comme des intermédiaires et des intercesseurs, ou bien des moyens de se rapprocher. Et il dit d'un autre point de vue aussi, dans le sens de l'intercession, et il mentionne, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, les deux preuves qu'il a citées à ce sujet-là. Le premier, c'est le verset dans Surat Az-Zumar, le verset 3, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui adorent en dehors de lui des alliés ou bien des idoles, des divinités, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Et c'est-à-dire que la raison pour laquelle ils les adorent, parmi les raisons pour lesquelles ils les adorent, c'est dans le but du rapprochement. Parce qu'ils disent, c'est des êtres pieux, c'est des êtres saints, c'est des êtres qui sont près d'Allah. Si on les adore, ils vont nous aider à nous aussi nous rapprocher d'Allah. Parce que nous, ils disent, nous on est des pécheurs, on est faibles, on est loin d'Allah et on peut pas aller directement à lui. Il faut passer par ceux qui sont plus proches de lui, qui sont purs, qui sont plus pieux que nous, et eux ils vont nous aider à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça leur logique. Toutefois, c'est une logique de shirk, hein, une logique basée sur le shirk et non pas sur le tawhid, puisque Allah a interdit de prendre des intermédiaires dans l'adoration. Donc ils ont recherché, en fait, à la base ils recherchent ce qui est auprès d'Allah, mais ils ne vont pas le demandent pas directement, ils passent par des intermédiaires. Le cheikh dit, فإذن حين توجهوا لهذه الآلهة الباطلة أرادوا ما عند الله ولم يطلبوا منها استقلالا وإنما أرادوها يعني زلفا وقربا إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى حاكيا حالهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فأرادوا بذلك القربة فأرادوا بذلك القربة ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إلى آخر الآية والشفاعة أن يطلبوا من الله جل وعلا لهم الحوائج لأن معنى الشفاعة أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمر وهذا هو معنى الشفاعة فقوله تعالى عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني سيكون هؤلاء الشفعاء طالبين لنا ما نريد من الله والله جل وعلا كما يعتقدون لا يرد شفاعتهم لأنهم مقربون عنده. Donc le cheikh il dit que, donc on comprend que lorsqu'il se dirige vers ces divinités et ces fausses divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah et ils leur demandent, en réalité ce qu'ils recherchent c'est ce qui est auprès d'Allah, hein? Ils n'ont pas demander à ces divinités-là de façon indépendante. Et donc, ce qu'ils veulent de ces idoles, c'est uniquement de se rapprocher et d'être plus près d'Allah, Azza wa Jal. Donc, le Cheikh, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a également mentionné cela dans le verset qu'on a lu, ceux qui adorent en dehors d'Allah des divinités, ils disent nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc ils veulent se rapprocher par cela. Et la preuve de l'intercession, c'est dans le verset 18 dans Sourate Yunus. Parmi les versets qui mentionnent l'intercession que les mouchriquins font ou qu'ils recherchent auprès de leurs idoles, Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté ce qu'ils font en disant « Et ils adorent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. » Et ils disent « Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Dit « Allez-vous informer Allah de ce qu'il ne connaît pas ?» Allez-vous informer Allah de ce qu'il ne connaît pas, ni dans les cieux, ni sur la terre ?« Qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe, du shirk qu'ils font avec lui. » Et c'est certain que yani Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout dans les cieux et sur la terre. Et s'il dit qu'il ne connaît pas, dans le sens, il dit, il rejette l'idée qu'il pourrait exister quelqu'un ou quelque chose qui serait un intermédiaire, qu'on pourrait prendre entre nous et lui. Donc, il rejette il réfute cette idée qu'il y aurait des intercesseurs ou des intermédiaires qui pourraient être placés entre nous et lui dans l'adoration. Hein? Et le cheikh, il explique la signification ici, et il dit, l'intercession, hein, c'est de demander à Allah, hein, c'est-à-dire qu'ils demandent d'Allah leurs besoins et les choses qu'ils veulent. Et la signification de l'intercession, c'est que toi tu veux quelque chose et tu demandes à quelqu'un de faire passer ta demande à celui qui détient le commandement ou l'ordre pour obtenir cette chose-là. C'est comme on appelle ça, même en français, l'intercession, c'est la même chose. Quand tu veux quelque chose de quelqu'un qui est haut placé, que toi tu n'as pas la capacité ou tu n'as pas la possibilité d'atteindre cette personne, alors tu demandes à quelqu'un qui est proche de cette personne de faire passer la demande pour toi pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle shafa'a. Shafa'a, ça vient de shafa'a. Shafa'a qui veut dire impair. Hein? Donc ça veut dire père, pardon. Chef, ça veut dire père, et al-witr, ça veut dire impair. Donc chef, tu étais seul et tu as rajouté quelqu'un à ta demande qui va intercéder pour toi. Donc c'est ça ce qui fait que maintenant c'est devenu père. Et là il dit ici que, donc ça c'est la signification de l'intercession. Et il dit ici que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet qu'ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah, c'est-à-dire que ceux-là sont les intercesseurs qui vont demander pour nous à Allah ce que nous voulons, comme ils le croient eux, et ils disent que leur intercession ne peut pas être refusée parce qu'ils sont rapprochés d'Allah. Après, le cheikh dit, « Wa aslu shirk al-alam fi jami' al-fi'at wa al-tawa'if kana ala ihda jihatayn. » أما الجهة الأولى فهو الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب كما كان الشرك قوم إبراهيم عليه السلام فإن إبراهيم أتى إلى قوم يعبدون الأصنام التي هي مصورة على صور روحانية الكواكب والكواكب الخاصة التي يعتقدون أنها لها تأثيرا في الملكوت فهم يعبدوا الأصنام أو الأوثان لأنها لأن أرواح تلك الكواكب تحل فيها والشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان تخاطبهم وربما حصلت لهم بعض ما يريدون فوقع الأمر بأن أشركوا وزادوا على الشرك اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل وروحانية الكوكب هي التي تخاطب وقال يعني وقال جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي وقد اختلف العلماء في قول إبراهيم عن الكوكب هذا ربي هل كان ناظرا أم مناظرا والصحيح أن إبراهيم كان في قوله هذا ربي قوله هذا ربي كان مناظرا لا ناظرا. Ok, donc le cheikh il explique que la base du shirk du monde entier dans toutes les différents groupes et les différentes factions les différents groupes et religions et fractions et, qui sont tombés dans le shirk, leur shirk est venu d'une des deux façons suivantes. La première, c'est le shirk dans la croyance que dans les étoiles il y avait des esprits qui descendaient sur terre, qui rentraient dans les statues qui étaient construites pour représenter ces astres ou ces constellations-là. Hein? Donc, le cheikh, il explique que le peuple d'Ibrahim, alayhi salam, hein, c'est les Babyloniens à l'époque, en Babylonie. Babylone, ça, c'est l'endroit où se trouve actuellement l'Irak. Hein, Donc, les anciens Babyloniens, ils avaient ces croyances-là, les étoiles et les astres, ils les adoraient en dehors d'Allah. De même que chez les Romains et d'autres peuples aussi, les Romains et les Grecs et autres, ils ont des croyances semblables aussi. Donc, ils adoraient les idoles en croyant que ces idoles sont des représentations, des esprits de ces étoiles, de ces constellations. Et donc, ces étoiles en particulier, ou ces astres en particulier, ils croyaient qu'elles avaient un effet sur qu'est-ce qui se passait dans le monde. Et parfois, ils les adoraient comme étant des idoles et des statues et autres. Et ils croyaient que les âmes de ces statues-là, les âmes de ces constellations, entraient à l'intérieur de ces statues. Et parfois, c'était en réalité les chayantins, les diables, hein, des diables qui rentraient dans ces idoles et qui leur adressaient la parole, qui leur parlaient. Alors eux, ils s'imaginent que c'est réellement leurs idoles qui parlent, alors que c'est les diables qui parlent. Et peut-être que parfois même ils obtenaient ce qu'ils désiraient de la part de ces idoles-là, lorsqu'ils les adoraient ou lorsqu'ils les invoquaient. Et donc, à cause de ça, donc ils ont augmenté leur shirk, ils se sont approfondis encore plus et enfoncés encore plus dans le shirk et dans la croyance en ces astres, et en croyant que c'était ces astres-là qui étaient responsables de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et donc l'esprit de ces, ils croyaient que c'était l'esprit de ces astres et de ces constellations qui leur adressaient la parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le verset, c'est dans Surat al-An'am, le verset 75 et 76. Dans Surat al-An'am, le verset 75-76, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne quelque chose à propos de Ibrahim. Il dit: ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Il dit: quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit: voici mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit: je n'aime pas les choses qui disparaissent. Et la démonstration continue, hein, avec l'exemple de la lune, et après avec l'exemple du soleil, hein. Puis, à la fin, il dit: yani, toutes ces choses-là, je ne les adore pas, j'adore seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, le cheikh, qu'à propos de ce verset, les ulama ont divergé à propos de la parole d'Abraham. Lorsqu'il dit à propos des astres, hein, ceci est mon Seigneur, est-ce qu'il disait ça dans le but de réfléchir et d'observer, ou bien dans le but d'argumenter, de débattre avec son peuple? Et la réalité, c'est qu'en fait, il disait ça dans le but de débattre avec les mouchriquins, et non pas de montrer qu'il a passé par ces raisonnements-là et ces réflexions-là pour arriver à la compréhension que Allah est unique. Parce que Ibrahim alayhi salam est un prophète. Il est sur le tawhid. Il sait que les étoiles et le soleil et la lune ne sont pas des divinités et qu'ils ne méritent pas d'être adorés. Mais il a utilisé cette méthode pour faire comprendre à son peuple la futilité de qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah, en leur donnant ces exemples-là. Donc c'est comme si il leur montre que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah est faux par cette démonstration. Hein? C'est pas parce que lui-même il croit que à un moment donné il a cru que c'était les étoiles, puis après il a vu que c'était la lune, puis après il a vu que c'était le soleil, puis finalement il a rejeté ça. Non, il a toujours su ça depuis le départ que ces choses-là sont fausses. D'accord? Et c'est ça qu'il dit en note de bas de page ici. Il dit يعني هل كان يبحث عن الحق فاعتقد أولا أن الكوكب ربه أم كان حين قال هذه الجملة مناظرا لقومه مسلم لهم قولهم ليبطله فيما بعد. Donc l'imam Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir, il explique ce point-là dans son tafsir. Ibn Kathir, il mentionne cette chose-là. C'est-à-dire que Ibrahim, c'est pas, quand il disait ça, c'est pas qu'il était en train de chercher la vérité, puis qu'il connaissait pas la vérité, il la cherchait, non. Ou qu'il croyait réellement que cette étoile, à ce moment-là, c'était son Seigneur, puis qu'après, il a vu que c'était faux. En réalité, il argumentait avec eux en supposant que ce qu'ils disent, eux, était vrai. Puis, par la suite, le but de ça, c'est à la fin de détruire leur idée ou leur croyance et de leur montrer la fausseté de cette croyance-là. Donc, le deuxième point de vue, donc le premier point de vue, c'était ça, comme on a expliqué, l'exemple de ceux qui croyaient en ce genre d'astres et en croyant que ils faisaient des idoles et les adoraient d'Allah, en croyant que ces astres étaient présents, ou que l'esprit des astres en question entrait dans ces idoles. Le deuxième, il dit « شرك قوم نوح عليه السلام وهو الشرك من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحين وقال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس أنه قال هذه أسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح ووقع الشرك بهؤلاء الرجال لأنهم صالحون. Donc le cheikh il dit que la deuxième façon dont le shirk est entré dans l'humanité, c'est par l'exemple du shirk du peuple de Nuh alayhi salam, et c'est le shirk dans la croyance en les âmes des hommes pieux. Hein? Et il dit que le peuple de Nuh, ils se sont attachés à 5 parmi les hommes qui étaient pieux à leur époque, et Allah subhanahu wa ta'ala les énumère dans le verset 23 dans sourate Nuh. Il dit, et ils ont dit, c'est-à-dire les mushrikoun, ne délaissez pas vos divinités et ne laissez pas Wad et Suwa' et Ya'ruth et Ya'ruq et Nasr. Donc c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari, selon Atta, que Abdullah ibn Abbas a dit, ceux-ci étaient les noms des hommes pieux qui existaient dans le peuple de Nuh, alayhi salam, Noé. Hein? Et le shirk s'est produit du fait que ces 5 hommes étaient des hommes pieux. Et le shaykh il dit ensuite, والعرب ورثوا الشرك بالصالحين فعبدوا أصناما وأوثانا متعددة عبدوا اللات واللات كان مكانا كان قبرا تحل فيه روحانية ذاك كما يعتقدون ومثلوا عليه صنما فصاروا يعبدونه وهي شياطين تتلاعب بهم وكذلك العزى والعزى شجرة ومنات صخرة وكان عند الشجرة رجل صالح يتعبد وكان عند منات صالح يتعبد وجعلوا الصالحين وأرواح الصالحين والاعتقاد فيهم سببا لكي يرفعوا حوائجهم لهم إلى الله جل وعلا. Donc le cheikh dit que les Arabes, eux, ils ont hérité du shirk par l'intermédiaire ou l'adoration des hommes pieux. Et le fait de se rapprocher des hommes pieux, ils ont adoré des idoles, hein, de nombreuses idoles, et parmi les idoles, il y avait Al-Lat. Et Al-Lat, à la base, c'est un lieu, il y avait, dans lequel il y avait une tombe. Et ils croyaient que dans cette tombe-là, il y avait donc des hommes pieux qui étaient enterrés dans le passé. Et ils ont représenté donc, hein, ils croyaient donc en cette force, que ce lieu-là avait un pouvoir spirituel quelconque. Et puis ils ont construit à cet endroit-là des statues qu'ils ont sculptées et faites à la forme de ces êtres-là. Et c'était en fait des diables qui jouaient avec eux, hein, et qui s'amusaient avec eux. Ils disent aussi, comme c'est mentionné dans la note de bas de page, que Al-Lat, c'était un homme qui faisait des bonnes choses pour les gens, hein, et il aidait les gens, il nourrissait les gens. Et quand il est mort, ils ont donc construit cette idole à sa mort en mémoire de cet homme. Puis après, ils l'ont adoré. L'exemple de Al-Uzza, il dit que Al-Uzza, c'était à la base, c'est un arbre que les mouchriquins, les Arabes, adoraient. Et Manat, c'était un gros rocher. Et il dit, dans ces endroits-là, il y avait un homme pieux qui faisait des adorations. Et à ces endroits-là, il y avait des hommes qui adoraient. Puis ils ont fait de ces hommes pieux-là, des idoles en fait à la fin. C'est ça qui est arrivé. Et c'est devenu une cause, hein, parce qu'ils ont dit ça, c'est un moyen pour se rapprocher d'Allah, puis pour demander à Allah qu'est-ce qu'on a de besoin. Eux, ils vont nous rapprocher d'Allah, faciliter qu'est-ce qu'on a de besoin en demandant à Allah pour nous, et ainsi de suite. Comme ça que le shirk s'est propagé parmi eux. Il dit wa idha ta'ammalat idha ta'ammalta hal al-arab wajadta anna ash-shirk hasala min al-arab kama arada ash-shaykh rahimahullah taqrirahu fi hadhihi al-qa'idah ath-thaniyah anna ash-shirk hasala min al-arab bi unas salihin aw anna ash-shirk waqa'a bil-alihah li'ajli talab al-qurbah wash-shafa'ah لا لأجل أن هذه المعبودات مستقلة لها شيء من الربوبية أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية لا ولكن لها ألوهية على وجه التتبع على وجه التبع على جهة التبع تعبد لأنها واسطة وليست آلهة مستقلة ولهذا قال جل وعلا حكيا عن الكفار أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وسائط على جهة القربة والشفاعة. Donc le cheikh il dit que si on médite sur l'état des Arabes de l'époque, on constate que les Arabes leur shirk, le shirk s'est produit de la part des Arabes, et le cheikh a voulu établir ici le principe de cette deuxième règle pour expliquer que le shirk qui s'est produit de la part des Arabes s'est produit s'est produit du fait qu'ils ont voulu se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de ces hommes pieux, hein, et que c'est donc le shirk qui s'est produit par à cause des idoles qu'ils adoraient, dans le but de se rapprocher plus d'Allah ou par l'intermédiaire de ces hommes pieux là, non pas parce que c'était des divinités indépendantes qui auraient une part quelconque de la divinité ou de la rububiya ou une part indépendante de al-uluhiya, un droit quelconque à l'adoration, mais plutôt parce que ils l'adoraient plutôt parce que, comme on l'a dit, c'était pour eux des intermédiaires et des intercesseurs et non pas des divinités indépendantes. Et c'est pour ça que le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné leurs paroles quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans le verset 5, dans sourate Sad, aja'ala al-alihata ilahan wahida. Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? Donc c'est que, en fait, quand ils disent ça, c'est qu'ils savent que ils sont en train d'adorer plusieurs divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur interdire d'adorer toutes ces divinités-là, et il leur ordonne d'adorer Allah seul. Donc il dit, est-ce qu'il fait de toutes nos divinités qu'on adore, qu'on doit adorer une divinité unique maintenant, hein, et cesser d'adorer qu'est-ce qu'on adore en dehors d'Allah? Donc ils ont compris, hein, la signification de cet appel, mais en même temps ça montre une chose, c'est qu'ils croyaient que en réalité ces divinités qu'ils adoraient c'était uniquement des intermédiaires et des intercesseurs, et non pas des êtres qui détiennent quoi que ce soit de la rububiya de façon indépendante. Et après le cheikh il dit, والشفاعه في الكتاب والسنه نوعان شفاعه منفيه وشفاعه مثبته والشفاعه المنفيه كما ذكر الامام رحمه الله هي الشفاعه فيما لا يقدر عليه الا الله جل وعلا والشفاعه في مغفره الذنوب مما لا يملك ذلك والشفاعه بمعنى طلب الدعاء وشفع يعني طلبه شفع يعني طلبه والشفاعة هي الطلب والمطلوب منه إما أن يكون حيا حاضرا وإما أن يكون ميتا والحي الحاضر في الدنيا أو في عرصات القيامة جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة أما الميت فإنه ليس في دار عمل وليس في دار طلب وليس هو عند الله بالمنزلة والمكانة التي إذا طلب أعطي ما طلبه ولكن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit que l'intercession dans le Coran et dans la Sunna est de deux catégories, l'intercession qui est niée et l'intercession qui est affirmée. L'intercession qui est niée, comme l'imam le mentionne dans la règle, c'est que c'est celle qui est niée, c'est la shafa'a, lorsque quelqu'un demande l'intercession dans quelque chose que seul Allah est capable de faire. Il demande à autre que Allah quelque chose que seul Allah est capable de faire. Et comme par exemple l'intercession dans la demande de pardonner les péchés. Hein, de pardonner les péchés de celui qui ne détient pas cela. Parce que personne ne peut pardonner les péchés. Alaykoum salam. Personne ne peut pardonner les péchés excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit le cheikh que la shafa'a c'est dans le sens de l'invocation. Dans le sens ici de l'invocation. Et dans le sens de la demande et de la requête. Donc le fait de rechercher ou de demander soit à un vivant qui est présent ou à quelqu'un qui est mort. Et s'il est vivant et présent dans la dunya ou au jour de la résurrection, sur le lieu du rassemblement et de la résurrection où les hommes vont être réunis pour le jugement, ça, il y a des preuves qui prouvent qu'il sera permis, dans ces moments-là, c'est permis de demander l'intercession à quelqu'un qui est un prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était vivant à Médine, que les sahaba allaient le voir pour lui dire « Demande à Allah l'intercession pour moi », ça c'est permis, parce qu'il est vivant, il est présent, il est capable. On lui demande quelque chose qu'il est capable de faire. Ou bien au jour de la résurrection, lorsque par exemple les hommes vont demander aux différents prophètes pour que Allah établisse le jugement, et à ce moment-là ce sera permis puisqu'ils seront présents et ils seront vivants. Tandis que après la mort, eh bien dans la mort c'est plus c'est-à-dire lorsqu'une fois qu'ils sont morts, ils ne sont plus dans les actions et les œuvres et le travail. Ils ne peuvent plus, on ne peut plus leur demander quoi que ce soit après la mort. Il ne peut pas faire quelque chose pour nous ou demander quoi que ce soit à Allah pour nous une fois qu'il est mort. Donc, on doit demander l'intercession uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est mort. On ne peut pas demander à un mort, il faut demander uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de bid'a et les mushrikines, parmi les gens qui adorent autre que Allah, parmi les gens qui se disent musulmans à notre époque, ils prétendent souvent qu'il n'y a pas de différence entre le vivant et le mort. ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est vivant dans sa tombe, donc on a le droit de lui demander comme quand il était vivant dans ce monde. Sauf que la vie, qui est la vie des hommes dans le barzakh, les prophètes et les martyrs et les hommes pieux, c'est vrai qu'ils sont vivants dans leur tombe, comme Allah dit dans le Coran, sauf que cette vie-là, c'est une vie qui est différente de la vie actuelle. C'est différent puisque c'est le barzakh, qu'est-ce qu'on appelle en arabe le barzakh. Et la vie du barzakh, elle n'a pas les mêmes règles et les mêmes principes, les mêmes conditions que la vie actuelle. Et donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est dans le monde du barzakh de faire quoi que ce soit pour toi, parce que pour lui, les œuvres et les actions, c'est terminé. Et il ne peut plus rien faire maintenant pour ceux qui sont dans ce bas monde. D'accord ? Donc, le fait de refuser de leur part de distinguer entre le vivant et le mort, c'est comme s'il niait la différence entre le vivant et le mort. Hein ? Et ça, c'est une des absurdités de la part de ces gens-là. Hein. Donc, pour terminer ce point-là, ou bien plutôt cette partie, le paragraphe qu'on avait commencé à lire, donc c'est ça, c'est que la personne à qui on demande l'intercession, il faut que soit, c'est-à-dire le prophète, si on lui demandait l'intercession, il fallait qu'il soit vivant, que ce soit à son époque, lorsqu'il était vivant, ou bien au jour de la résurrection, après qu'on soit ressuscité. Hein, là, on aura le droit à ce moment-là. Sinon, une fois qu'il est mort, on ne peut plus lui demander l'intercession maintenant. Parce que après la mort, les gens sont dans le barzakh. Et ils ne peuvent plus faire quelque chose, ils ne peuvent plus rien faire pour ceux qui sont vivants dans ce cas-là. Et si c'était le cas que ça aurait été permis, les sahaba auraient fait ça. Hein? Combien de problèmes se sont présentés aux sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Des conflits entre les sahaba parfois. Comment ils ont fait pour régler ça? Hein? S'ils pouvaient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y avait pas de différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort et après sa mort, dans ce cas-là, ils auraient pu juste aller lui demander et attendre qu'il leur réponde. Mais ils n'ont jamais fait ça. Ils ont toujours cherché les réponses à ces problèmes-là dans le fait de chercher dans les versets du Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans ses hadiths, pas dans le fait de lui demander à lui directement après sa mort, jamais. Hein? Donc ça c'est celui qui refuse d'accepter la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le fait qu'il soit mort c'est différent que lorsqu'il est vivant, eh bien c'est une personne qui rejette la réalité, qui refuse le bon sens, comme on dit, le gros bon sens. Hein? C'est une personne qui n'est pas rationnelle, raisonnable. Hein? Et l'intercession, le cheikh dit, l'intercession qui est niée, c'est l'intercession que Allah lui-même a niée dans le Coran. Et il a cité ça, à ce sujet-là, plusieurs versets. Il dit, فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله تعالى في كتابه كما في قوله سبحانه وما للظالمين من ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وكما قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وكما قال جل وعلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ونحو ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. Donc il y a plusieurs versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a nié l'intercession et il mentionne le verset 18, le verset 253, 18 dans sourate Ghafir, 253 dans sourate Al-Baqarah et le verset 51 dans sourate Al-An'am, dans lequel il y a la négation de l'intercession. Hein, ils n'auront ce jour-là, il n'y aura pour eux aucun intercesseur, aucun allié, plusieurs versets dans ce sens-là. Il y a aussi un verset dans Surat Al-Muddathir dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nie l'intercession pour ces gens. فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Allah dit l'intercession des intercesseurs ne leur sera pas profitable. Ça c'est pour les kuffar et les mushrikins. pour les kuffars et les mushrikines, ils ne profiteront pas de l'intercession. D'accord? Donc, elle est niée pour eux. Ok. Puis, donc, l'intercession al-manfi, on va y revenir de toute façon. Je pense qu'on va s'arrêter pour la salat, puis après la salat, on va reprendre à partir de cet endroit-là, là où on s'est arrêté, Inch'Allah. D'accord? On va reprendre après salat al-maghrib, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته